mardi prochain, eh bien, sera consacré à cet ami que l'on aime beaucoup, que l'on a vu souvent dans les bals populaires, dans les thés dansants, associé avec Hubert Ledent. Mais aujourd'hui, c'est lui la vedette, c'est lui qui va nous accompagner avec son accordéon. Bien évidemment, de temps à autre, il y aura Hubert qui va nous chanter ses chansons. Mais pour le moment, nous écoutons la cascade et le petit Jean-Jean. Et après, attention. Jusqu'au fond de ma vallée, au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Je mène en chant les vaches, et tous les soirs, en revenant chez moi, oui, tous les soirs, oui, tous les soirs, je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux, oui, tous les soirs, oui, tous les soirs, je ris. Et puis je chante, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Oui, tous les soirs, oui, tous les soirs, je ris et puis je chante, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Pompero. Et c'est à Capri, ce sont deux titres, dans un seul morceau, que nous allons, bien sûr, on va pas se priver de les écouter. C'est toujours l'ami Éric Collomb. Et puis après, ce sera La Boudeuse et les Lilas Blancs. Suivant le rio, vers le rancho son domaine. Voici Pampero chantant joyeux dans la plaine. Pour ce vaquero, chacun sait que les belles offriraient s'il faut tout l'or de Mexico. Et si chaque jour s'offre une joie qu'il ignore, délaissant l'amour, il n'a d'amis que l'aurore. En fuyant là-bas les cités infidèles, il chante et s'en va sous le ciel des pampas. Pampero, je ne suis à personne. J'aime mieux ma pampa, mon automne. Sous le ciel rayonnant, je fredonne le plus beau des refrains mexicains. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pourquoi bouder sans cesse? Ce ne sont plus les amours d'autrefois. Tu me rends des caresses sur caresses, mais maintenant tu me laisses aux abois. Tu me dis plus ce joli mot, je t'aime, que si souvent, chérie, tu me disais. Oh, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Varenne ou de nos gens, nous irons ensemble sous l'orme qui tremble, le long du chemin qui nous rassemble, l'eau qui se promène tout doucement nous dira je t'aime comme avant. Au temps des dimanches peuplés de pervenches, quand refleuriront les lilas blancs. Peuplés de pervenches, quand refleuriront les lilas blancs. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Tu la tires et tu la manques, change ton tir. Mais je laisse le reste à qui de droit. Il le fera bien mieux que moi. Mais cette mélodie-là, je l'envoie du côté de Franklin. Franklin, où on retrouve toujours avec plaisir l'ami Dudu et l'ami Zozo. Voilà, c'est pour vous les amis. Et puis, si vous voulez danser, c'est pas interdit. We'll be right back.

revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandango et cigudilles. Que chantent les señoritas si brunes quand lui sous la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous les charmilles les Carmen et les Figaro dans les oubliés. Je sens venir dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charme ardent comme une fleur d'Espagne. L'étoile des troubadours, c'est un classique de chez classique, j'ai l'habitude de le dire. Mais ce sont des morceaux qui sont incontournables à l'accordéon. Donc on va s'en faire une bonne partie avec l'étoile des troubadours et tout de suite après, chante pour moi. Passe par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu sentiras la bruyère, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un peu coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des corétières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Fleur du Tyrol et fleur de neige. Eh oui, le Tyrol, c'est d'un côté, et puis fleur de neige, eh bien, on va dire que c'est notre pays de Savoie, nos deux pays de Savoie, la Haute et la Savoie. Thank you. voyant du pays tyrolien, la jeunesse envahit le chemin. Vers un noble village entouré de sapins, se sont arrêtés les musiciens. Accordéons, rires et chansons, la danse scandée de vallons en vallons. Sous les lampions, tous les garçons chantaient en chœur ce petit refrain-là. Fleur du Tyrol, fleur du printemps, tu es frivole comme un papillon dans les champs. Fleur du Tyrol, tout en tournant, les gars s'affolent et toi tu ris de leur battant. Reginella, c'est une mélodie italienne. Reginella Campagnola, normalement c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais là on a raccourci un peu le mot et ce sera donc elle sera donc suivie Reginella par Mon manège à moi. Mademoiselle, Edith Piaf. Thank you. percevant les campanules. Pietro, jeune contrebandier, traînant derrière lui sa mule, chantant, grimpant les sentiers. Et qui va piano, piano, piano, qui va piano, piano, piano, qui va piano va sano et va lontano, bella Riginella. Ce soir ma villanella te dira cher amour que je t'adore jusqu'à l'aurore, bien plus encore et pour toujours. Oh ma douce compagne, aux échos des montagnes, je livre ma chanson pour que la brise te la redise, qu'il se grise de ton frisson. Mon manège à moi, habituellement chanté par Mademoiselle Piaf. Là, en l'occurrence, c'était à l'accordéon par Éric Colomb. Le chant du gardien est à ma pole. Et on continue sur le 91-102.5 Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Prenez garde, car ce chant, c'est celui de l'amour. Ladia, quand il reviendra, Ladia, il vous sourira, Ladia, puis il vous prendra dans ses bras. Votre cœur dira oui par mes gardes, et alors votre cœur sera pris, car le chant d'un gardien de Camargue prend les cœurs et les garde pour lui. La rose et le lilas chantent ta grâce. Amapola, l'onde où les cieux se mirent, n'ont pas autant d'éclat que ton. Même t'apportant des poèmes que je lui ai confiés ce soir pour toi. Le marchand de bonheur. Eh bien, j'ai le plaisir de vous accorder cette danse, madame ou mademoiselle. Et puis, qui sasse ? Ça, c'est un point d'interrogation. C'est si bon, le Madison ? Ça va suivre tout ça. Mettre dans vos cœurs, vous me verrez passer, chacun à votre tour. passez au vent léger pour vous chanter l'amour. Mes petits agneaux, allez, mettez toute la gomme.

goûter à ma table. Entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. C'est un auteur-compositeur, qu'est-ce qu'il est déjà, André Sylvain? André Sylvain, c'est un auto-compositeur canadien, et il se sent très seul. Eh bien, on va lui tenir compagnie. Et puis après, nous aurons une très belle surprise avec la chanson de la radio. C'est André Sylvain qui l'a composée, cette chanson, mais c'est pas lui qui la chante. Non, ce n'est pas lui qui la chante, c'est tout simplement Chantal Paris. Je me sens très seul sans toi. Et même quand des amis m'invitent, le temps ne passe pas bien vite. Quand tu es loin, plus rien ne va. Je me sens très seul sans toi. Et s'il m'arrive que je danse, c'est toujours à toi que je pense. Avec une autre dans mes bras. Je ne peux pas vivre sans toi. Je te le dis de tout mon être. Je te l'écris dans chaque lettre. Je ne peux pas vivre sans toi. Je me sens très seul sans toi. J'ai des pensées qui me tracassent. J'ai peur qu'un autre me remplace. Que tu ne veuilles plus de moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je te le dis de tout mon être. Je te l'écris dans chaque lettre. Je ne peux pas vivre sans toi. Je me sens très seul sans toi. Je me sens très seul. Très seul sans toi. Quand j'ai mal, quand

été. Pour un flirt, oui, pour un flirt avec toi, toujours Michel Delpech avec Pour un flirt avec toi. On termine avec toujours un coin qui me rappelle, toujours un coin qui me rappelle, qui nous rappelle, c'est Eddie Mitchell. Et puis, c'est fini. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le 91-102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous mardi pour la rediffusion de cette émission. Bye bye! Marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh.